celui de bouffon. J'arrive et me voilà reçu, choyé, enregistré, et ce qu'il y a de mieux encore, oublié. Je vais et viens dans ce palais comme si je l'avais habité toute ma vie. N'est-ce pas la princesse que j'aperçois dans la galerie? Elle essaye son voile de noces. Deux longues larmes coulent sur ses joues. Pauvre petite. J'ai entendu ce matin sa conversation avec son page. En vérité, c'était par hasard. Il lui est cruel d'épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Il me semble qu'il y a quelqu'un derrière ces bosquets. Est-ce le fantôme de mon pauvre bouffon que j'aperçois dans ces bleuets? Répondez-moi, qui êtes-vous? Que faites-vous là, cueillir ces fleurs? Je suis un brave cueilleur de fleurs qui souhaite le bonjour à vos beaux yeux. Que signifie cet accoutrement? Qui êtes-vous pour venir parodier sous cette perruque un homme que j'ai aimé? Regarder le monde à travers un prisme, tant soit peu changeant. Chacun a ses lunettes, mais personne ne sait au juste de quelle couleur en sont les verres. Qui pourra me dire si je suis triste ou gaie, bête ou spirituelle? Tu es laid, du moins, cela est certain. Pas plus certain que votre beauté, pas plus certain que votre plaisir ou vos peines. Ce fou m'intéresse. Il se moque de moi, mais il me plaît. Et sous son ironie, je sens un cœur ami. Oui, il est fort heureux qu'il soit laid. Je l'aimerais peut-être. Comment te plais-tu ici? Formidablement. À quand votre noce? Dans quelques heures, tout sera fini. C'est-à-dire, tout sera commencé? Tu me parles sous la forme d'un homme que j'ai aimé. Voilà pourquoi je t'écoute. Mes yeux croient voir mon pauvre Saint-Jean. Mais peut-être n'es-tu qu'un espion? À quoi cela me servirait-il? Ne me chassez pas, je vous en prie. Peut-être n'aurez-vous pas à vous en repentir. Ouida, tu m'offres ta protection et tes services? Pourquoi pas? Come on. des officiers du prince lui-même qui vient de me le dire. Le prince de Mantoue est déguisé. Celui qu'on vous a présenté comme votre futur époux n'est qu'un dénommé Marinoni. Cela n'est pas possible. Amène-moi cet officier. Il n'est plus temps. Voici la cour. Oh. guardi tutte tre figoti, stendo la terra dentro il sotto te, sa bene spi, sa bene spi, sa bene spi. Thank you. Jupiter, je l'avais bien prédit. Voilà le mariage manqué et tout remis en question. Le prince de Mantoue a demandé ma tête en échange de sa perruque. Le roi de Bavière a trouvé la peine un peu forte et n'a consenti qu'à la prison. Ainsi, la princesse reste fille, du moins pour cette fois. S'il n'y a pas là le sujet d'un poème épique en 12 chants, je ne m'y connais pas. Est-il bien certain que le poème en soit à sa fin? Il manque l'incident de la princesse dans le cachot. Justement, j'entends crier les gonds de la porte. C'est Elspeth qui entre. Je n'ai plus qu'à fermer les yeux. Il dort. J'aime entendre cela. Et cependant, j'étais venue pour lui parler. Il s'est exposé pour moi à la colère du prince, à celle de mon père. Si je pouvais voir son visage. Psyché, prends garde. Princesse, vous ici? Quelle surprise! Jamais je ne me serais attendue. Je devais venir. Vous avez risqué pour moi votre vie, ou tout au moins votre liberté. Ce que je regrette, c'est que votre dévouement aura été inutile. Je ne pourrai refuser à mon père ce qu'il a le droit de me demander. Ce consentement qui doit faire le bonheur de son peuple. Ainsi, vous voulez vous sacrifier pour éviter la guerre, pour empêcher tout un peuple de revêtir des uniformes et de marcher au son du tambour. Mais ces gens-là finiront par vous en vouloir mortellement, et vous le savez. Laissons faire tous ces êtres qui se disent raisonnables. Cela ne nous regarde pas. Il n'est qu'un refrain à chanter, un refrain plus vieux que le monde. Et sous la tresse brune ou blonde, toute femme doit l'écouter. Sous le jour radieux. rue au palais? Non, princesse. Cependant, on sait qu'il n'a pas encore quitté la ville. Je veux que vous quittiez cette prison. Flamel, comment pourra-t-il sortir? Je le sais. Au moment où j'arrivais, on relevait les fonctionnaires. J'ai entendu donner les ordres les plus sévères. N'est-ce que cela qui vous embarrasse? Vous allez voir. Voilà! Et un soldat! Ah ah! Voilà notre affaire! Dis-moi, mon brave Suisse, quelle est ta consigne? Ohé! Affrée, le coussin est écarté sur mon tête, un pouffon-lait et possu! Un pouffon-lait et possu? Ah ah! Merveille! Il est là-bas qui ronfle! Veille bien, brave Suisse, et exécute ta consigne militairement! Militairement! Adieu! Tiens! Voilà la clé des jardins. Tu reviendras? Vous aviez résolu d'abord de quitter la cour sans vous faire connaître. Eh bien, je change de résolution et je vais changer d'habit. Il est temps que j'éclate. Cela ne se passera pas ainsi. Une perruque royale accrochée à une branche et ce père, ce roi de Bavière, qui se met à rire en voyant la perruque de son gendre voler dans les airs. Car enfin, Marinoni, je conviens que c'est ta perruque qui a été enlevée, mais... Ah, il y a une providence. C'est le destin qui a sauvé de l'affront le plus intolérable, la tête qui gouverne mes peuples. Mais par le ciel, tout sera connu. Marinoni, rends-moi mon habit. Cet habit rose grâce au cœur de vos serviteurs la plus mince fut tout un jour plus qu'un mortel. Ce même habit était la cause d'un argent à ma moindre prix. C'est à vous seul qu'ils cet habit rose. connais ton dévouement. Viens, je vais dire au roi son fait en propre terme. Les souverains, ils discutent la paix ou la guerre. La guerre ! La guerre ! Attends un peu. Vous voulez la guerre ? Oui ! Oui ! Pourquoi ? Vous avez des femmes, des enfants, des mères, des bestiaux, des maisons. Oui ! Ceux qui n'ont rien de tout cela ont la vie, le soleil, l'espérance, l'amour, le vin. Oui ! Et vous voulez vous battre et vous massacrer les uns les autres. Oui ! Oui ! Pourquoi ? Parce qu'il a passé par la cervelle d'un bouffon d'enlever la perruque d'un prince. Et encore, ce n'était pas le prince. C'était un imbécile déguisé en Altesse. Tandis que l'Altesse était à côté déguisé en imbécile. retournez donc à vos travaux, à vos plaisirs, à vos amours. Au lieu de donner la mort, donnez la vie. Et si les rois ont encore besoin de la guerre, qu'ils se la fassent entre eux. Vive l'occasion ! Jamais la fête des fous n'aura inspiré de plus sages discours. Eh bien, à nos princes maintenant, laissez-nous faire. Oui, oui. C'est une idée, au moins j'en sors à mon honneur. je viens voir.